pour fumer le pactole. Qui ferait mieux de s'occuper de sa pomme. Qui raconte tellement de la merde que chez lui même la cuvette s'affole. C'est pour ceux et celles qu'on su assumer la tôle. Pour opérer les traites on n'a pas besoin de porter de lunettes à tôle. C'est la marionnette à bas prix. Ça finira par baïonner parce que la mayonnaise n'a pas pris. Opère avec classe, prends ce qu'il y a de plus cher à l'état. Pendant qu'ils servent à l'étage, ils veulent qu'on se tienne à l'écart. Car dans la routine du bloc, sache que la monarchie se fout des pots. Si on s'ouvre des portes, c'est pour arracher vos scudetto. T'auras beau superviser, faire un pot éternisé. Pour les écraser, on n'aura pas besoin d'un permisé. Écoute ce que le fusil tend, sous l'effet de la putine off. On baisse leur uniforme, on n'attend pas que les putines off. Une époque de pickpocket, petite lopette, vilo bled. 2-3 kilos de zèbre et tu te feras fusiller comme Kim Ok. J'croyais avoir vidé le chargeur, mais quelques balles demeurent. C'est la séné, séné, barge et le bal demeure. Que tes bouches cousues dans mon équipe, y'a pas d'honneur. Ça rigole pas lorsque ça parle d'honneur. C'est la calage et le sicou qui se mettent à rapper. La rage des chants de Zitoun et la saveur des plaques mafées. C'est dans la république qu'on se permet de gaver. Parce qu'on a la couleur qui nous permet pas de taffer. Le seul place compatible avec un barillet. Dans chacune de mes mesures un acte barbarié. Sois sûr que ce n'est pas de l'encre et de la salive gaspillée. Pour ta carrière de pétasse qui demande seulement qu'on la fasse crier. Tu reconnais mes corps, faut caler mes flots, va riez. Je te le répète, je ne lâcherai pas ma place, même pas pour un tas de billets. J'ai une gueule d'ange, mais aux apparences faut pas se fier. C'est justifié, je fais plus de técart qu'un canon scié. Y'a du gaz dans l'air, les fillottes vont finir asphyxié, range tes fillettes. C'est la sortie de mes détenus non graciés. Ouvre le coffre fort avant l'écoulement du sablier. Tu seras prié, tire à ton putain de renfort de se replier. Yeah. J'arrive, y'a du beau monde qui va se faire plier, va se faire piller. Bien sûr que l'assassin va se faire torpiller. J'termine par ces trous de balles, t'aimes si que j'ai crié. Faites attention quand j'canarde, c'est pas comme le 14 février. Bah j'croyais avoir vidé le chargeur, mais quelques balles demeurent. C'est la séné, séné, barge et le bal demeure. Que tes bouches cousues dans mon équipe, y'a pas d'honneur. Ça rigole pas lorsque ça parle d'honneur. C'est la calage et le sicou qui se mettent à rapper. La rage des chants de Zitoun et la saveur des plaques mafées. C'est dans la république qu'on se permet de gaver. Parce qu'on a la couleur qui nous permet pas de taffer. Va dire aux élus de la république que je baisse le maire. Qu'a toujours une poux cave qu'oublie le verbe se taire. Qu'on évite les paroles qui blessent le frère. Que si je caresse le fer, c'est pour mes têtes de pierre. Va dire aux élus de la république que je baisse le maire. Qu'a toujours une poux cave qu'oublie le verbe se taire. Qu'on évite les paroles qui blessent le frère. Apprendre nos erreurs, c'est tout ce qui reste de ster. C'est n'est pas de la même manière qu'on se fait fouiller. À chaque contrôle des ports, on a l'impression de se faire dépouiller. Bouche cousue, je ne leur donne même pas un tuyau rouillé. Un keuf sans insignée, sans armes, ça donne une poule mouillée. Comprends pourquoi c'est pas entre nous qu'on doit s'embrouiller. Ils nous mettent sans dessus dessous jusqu'à ce qu'on se sente souillé. Yeah. Un jour ou l'autre, il faudra bien se débrouiller. Pour quitter ce pays, rempli de pavure avant de se faire douiller. Yeah. J'croyais avoir vidé le chargeur, mais quelques balles demeurent. C'est la séné, séné, barge et le bal demeure. Que tes bouches cousues dans mon équipe, y'a pas d'honneur. Ça rigole pas lorsque ça parle d'honneur. C'est la calage et le sicou qui se mettent à rapper. La rage des chants de Zitoun et la saveur des plaques mafées. C'est dans la république qu'on se permet de gaver. Parce qu'on a la couleur qui nous permet pas de taffer. N'attends pas qu'on enfile une blouse de thérapeute. La tombe, ça sera l'aide, c'est mes choumis. Bim, bouge-moi, loupine et tous mes courageux. Un seul de mes bravos tous de tes rageux.